Terminons notre observation de l'évolution de la structure socio-professionnelle avec l'élévation du niveau de qualification. L'école a changé de rôle. Autrefois, elle apprenait à lire, à écrire, à compter, elle transmettait des savoirs élémentaires. Aujourd'hui, elle distribue des tickets d'entrée. Sans diplôme, on reste dehors, avec diplôme, on peut espérer. Ce déplacement-là est massif, silencieux et profondément structurant. Laissez-moi vous parler de Bernard. Bernard est entré à l'usine à 15 ans. On lui a montré les gestes, il a appris sur le tas, il a fait toute sa carrière au même endroit. Sa fille Marina n'a pas eu cette possibilité. Marina a fait des études, puis encore un peu, puis un diplôme de plus, parce que le travail désormais demande des preuves écrites, certifiées, tamponnées. Voilà ce qu'on appelle l'élévation des qualifications. Depuis l'après-guerre, la durée des études s'allonge. Le lycée se généralise, l'enseignement supérieur se massifie. Ce qui était réservé à une élite devient progressivement la norme. Ne pas avoir le bac devient un handicap. Ne pas avoir de diplôme supérieur devient un risque. Les diplômes s'installent au centre des trajectoires professionnelles. Ils deviennent un critère déterminant d'accès à l'emploi, de stabilité professionnelle et de position sociale. La structure socio-professionnelle se transforme. Les emplois non qualifiés reculent. Les emplois qui exigent des compétences formalisées et certifiées se multiplient. Le travail change de nature. Il devient plus abstrait, plus cognitif, moins manuel. Alors pourquoi ? Pourquoi la société exige toujours plus de qualifications ? D'abord, parce que l'économie se complexifie. Les organisations grandissent, les outils se technicisent, les procédures se multiplient. Il faut comprendre, anticiper, s'adapter, manipuler des savoirs abstraits, maîtriser des outils cognitifs. Ensuite, parce que l'État investit massivement dans l'éducation. Former, c'est accompagner la croissance, structurer le marché du travail, organiser l'accès à l'emploi. Mais il y a aussi une autre raison, plus discrète, plus intime, la peur. Dans un monde marqué par le chômage et l'incertitude, le diplôme devient une protection. On étudie plus longtemps pour retarder l'entrée dans la précarité, on accumule les titres pour se distinguer, on se forme pour ne pas tomber trop bas. Le diplôme ne garantit pas un emploi, ne garantit pas à 100%, mais son absence garantit presque l'exclusion. Alors, on empile licence, master, certification, comme on empilerait des gilets de sauvetage. Et cette élévation des qualifications n'efface pas les inégalités, elle les transforme. Tous les diplômes ne se valent pas, toutes les filières n'ouvrent pas les mêmes portes, tous les étudiants ne disposent pas des mêmes ressources. L'école ne se contente donc pas de former, elle trie, elle hiérarchise, elle oriente les trajectoires. La société des diplômes n'est pas une société égalitaire, c'est une société qui cherche à justifier les écarts. Pourtant, quelque chose a changé. Jamais une société n'a été aussi instruite, jamais le savoir n'a été aussi diffus, jamais les individus n'ont été aussi longtemps formés. L'élévation des qualifications n'est pas une illusion, c'est une transformation réelle, mais une transformation ambivalente, émancipatrice pour certains, sélective pour les autres. Et moi, Birdie Dog, qui ai vu des mains apprendre sur le tas, puis des cerveaux apprendre à se vendre, je peux vous le dire sans nostalgie excessive. Le diplôme n'a pas remplacé le travail, il en est devenu une condition d'accès à l'emploi. On a ainsi vu la salarisation, la tertiarisation, la féminisation de l'emploi, l'élévation des qualifications. On peut donc conclure. Quatre transformations profondes, quatre mouvements de fond. Elles ont remodelé la structure socio-professionnelle, elles ont changé la nature du travail, les formes d'emploi et même les trajectoires individuelles. Le travail n'est plus ce qu'il était, et les vies non plus, mais qu'on ne s'y trompe pas. Ces évolutions n'ont pas fait disparaître les inégalités, elles les ont recomposées, déplacées, parfois rendues moins visibles, mais jamais inoffensives. La société contemporaine n'est pas moins hiérarchisée que celle d'hier, elle est simplement plus complexe, plus difficile à lire. Les écarts ne sautent plus aux yeux, ils se nichent dans les contrats, les diplômes, les carrières discontinues, les trajectoires brisées. Et il faudra peut-être que nous retournions dans ma tête, et plus particulièrement dans ce lieu reculé des plis de mon cortex où discutent les grandes figures des sciences humaines. J'irai bien leur proposer de reprendre ces quatre transformations et de les regarder à travers leur grille de lecture, notamment Marx et Weber. To be continued.